Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Durus al-Madina, al-Juz al-Thani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil al-Martiniki, hafidhullah ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bid-Ammaj au Yémen. Cours numéro 27, deuxième partie. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimounes. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه تبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد شلون بونسوي دون شوف الجورناليست مون توبيك ان شاء الله nous sommes toujours en ce qui concerne الفعل الأجوف طيب celui dont le عين c'est un حرف علة ou un ألف واو ويا. Nous, dans le dernier cours, on a pris quoi ? Celui dont la... Désolé, quelle heure ? Ça, c'est obligé. Celui dont la... Aïn devient un waou ou d'or. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va clôturer avec celui dont le Aïn devient un ya ou un alif. Donc, on poursuit avec Al-Fi'l Ba'a, qui veut dire vendre. Il dit... تعمل ما يلي حامد باع الرجال باعوا وخلا يعيا يغيس على سباز toujours ماضي le ماضي آمنة باعت النساء بيانا là il y a un changement à cause de quoi بيانا il y a un changement à cause de quoi pourquoi le Le alif il est tombé. Et là on dit bi'ana parce qu'au bout d'un lire, le ya il devient un ya. Le alif à fond il devient un ya. Le alif devient un ya, donc on dit bi'ana. Anta bi'ata. Antum bi'atum. Anti bi'ati. Antunna bi'atunna. Ana bi'atu. Wanahnu bi'ana. Quand je te dis ana bi'atu, à la e wazn, sur quelle mesure il est Anna bientôt. Hein? Là. Filou. Anna au filto à fond. Anna filto. C'est le Aïn qui est tombé. Anna filto. Ça y est, Bidi. Tassi Achar. Asnid Dja. Wassara. Il est dans ma hier. Kama. Fiptamarin et ça bien. Donc là, je fais pareil avec Dja. Wassara. Et les deux. C'est une kasra qui prennent lorsque, lorsque tu fais tomber l'aïe. Tfaddal. Ma Hamid, wa Arjel, wa Ba'u, wa Amina. Moi, c'est tout. Je te tiens. Hamidun Ja'a. Arjel Ja'u. Aminatu Ja'at. An-Nisa'u. Jitna. Jitna. Anta Jitta. Antum Jittum. Anti jitti, antunna jittunna, ana jittu, nahnu jitna. Naam. Ma sara, sara qui veut dire aller parcourir, avancer. Qu'est-ce que tu as dit ? Laisse le chien. Hamidun sara, arrijalu saru, aminatu sarat, an-nisa'u, sirna, anta sirta, antum sirtum, anti sirti, antunna sirtunna, ana sirtu, nahnu sirna. Hassan. طيب عشرون يقول إكرام يالي هذه تشبالية إن شاء الله لفاز حاول الترجمة غاب زميلي يوما وأنا غبت يومين يعني mon camarade s'est absenté un jour نعم. et moi je me suis absenté deux jours نعم. متى جئت إلى الجامعة جئت في ذي القعدة يعني quand est-ce que tu es venu de la voilà. Hein? À la. Tu m'as dit quoi, je comprends pas entendu. À la. Ah, enfin, à l'université quoi. À l'université, naam. Naam. Je suis venu, au mois du. Comment on va traduire ? Zulkiada, il n'y a pas de. Zulkiada, naam. C'est notre propre. Ça, les femmes ? Bikem bi'ta siyarataka ya amro bi'tuha bi 8000 riyal.

حميد يخاف الأولاد يخافون آمنة تخاف البنات تخفن أنت تخاف أنتم تخافون أنت تخافين أنتن تخفن أنا أخاف نحن نخاف حامد حامد يشاء البنات يشاء الأولاد مش أنا ما الأولاد يشاءون آمنة تشاء البنات ب. البنات نعم البنات نعم يشأنا نعم يشأنا وهل يشأنا أنت تشاء أنتم تشاءون أنت تشائين أنتن تشأنا أنا أشاء نحن نشاء نعم رجال جاء إشاء يسمون أجوف ويوسي محموز parce que محموز لندي سيكوا celui dont l'un de ses lettres c'est un Hamza إشاء c'est un Hamza à la fin et جاء pareil طيب واحد وثلاثون إكرام يلي تفضل لي إخادي أخي الصغير ينام مبكرا أما أنا فأنام بعد منتصف الليلة يعني mon petit frère dort tôt hein, quant à moi je dors à minuit ثانيا متى تنامين يا خديجة أنا في الساعة العاشرة والنصف يعني quand est-ce que tu dors pour Khadija je dors à 10h30 نعم أتنامون بعد الغداء يا إخوان نعم ننام لمدة نصف ساعة يعني dormez-vous après le déjeuner ou les frères oui nous dormons pour une durée يعني de 30 minutes دمير. نعم. ربيان. ألا تخاف الله يا رجل؟ بلا أخافه. N'as-tu pas peur d'Allah, homme? Bien sûr. Je le crains. J'ai peur de lui. J'ai peur de lui. نعم. قال الطالب الجديد للمدرس أين أجلس أين أجلس يا أستاذ؟ أجلس. جلس يجلس. أين أجلس يا أستاذ؟ قال له المدرس اجلس حيث تشاء يعني le nouveau étudiant a dit au professeur où je m'assois au professeur le professeur lui a dit assieds-toi où tu veux la haythu c'est un ظرف مكان qui est dans le sens de aina ça se dit pas اجلس اين تشاء قال الله تعالى في القرآن الكريم لله الملك السماوات والأرض يخلق من يشاء يعني à lui appartient les cieux et la terre et la royauté des cieux la royauté la royauté des cieux et de la terre et il crée ce qu'il veut نعم هو يخافوني يخافوني يعني lui il me craint il a peur de moi il me craint la crainte c'est plus khashiya une différence entre la crainte et la peur même en arabe طيب. La crainte khashiya c'est quoi c'est le khouf ma'a al-ilm comme tu as dû le prendre طيب, mais le français peur, crainte c'est des synonymes il n'y a pas de différence crainte c'est plus spécifique 32 ta'amel mayali maintenant il va t'apprendre quoi le majdoum et le am يا نامو لا اللي مرفوع يا يا. si tu rentres l'am, ça va être quoi? l'am يا نام. cependant, on est ticos akinein entre le alif et le mim, donc on dit l'am يا نام sans alif. après le am, تنامو. donc l'origine de am c'est نام. et là pareil, on a le ticos akinein entre le alif et le mim, donc on fait tomber le alif, donc on dit نام. voyez, anta نام. et avec le nahi, l'interdiction tu dis tanamu ça c'est le marfou donc l'on veut dire ne dors pas la tanam ben là pareil on a quoi une rencontre entre le alif et le mim avec le soukoun tous les deux donc on dira quoi la tanam sans alif voyez